serai plus vieuse. Encore la flemme de bouger, la flemme de bouger. Ambiance canapé, télé jusque tard. Voilà, je suis dans un mauvais mood. On m'attend quelque part. Les rues s'allument, les gens sortent comme hier. Les filles sont belles sous ce ciel couvert. Paris s'allume, ce qui manque c'est Bruxelles.